Chapitre 2. Le petit jour venait, un drôle de jour, jaune, cuivré, de couleur maladive et inquiétante, tenant tout le pays sous une nappe blafarde, ainsi que des objets vus à travers l'épaisseur glauque et brouillée d'un aquarium. Au-dessus des maisons, comme une nuit nouvelle montant du sud et de l'ouest pour aller éteindre cette faible lueur naissante, de grands nuages sombres, très bas, accouraient, s'épaississant sans cesse derrière le sémaphore de Penhat, superposant des voiles de vapeur noire qui endeuillaient toujours un peu plus cette aube lugubre. Ils semblaient fuir vers le nord, vers l'est, au-delà de la côte de Léon, s'échevelant peureusement devant quelque chose de menaçant qui venait, se rapprochait. Composé de bruits formidables, de grondements lointains, de clameurs mystérieuses, une rumeur sourde s'élevait de cette terrifiante force, brusquement soulevée, l'océan. Peu à peu, sur le quai, à l'abri des maisons, des groupes se formaient, plus compacts, des conversations s'engageaient, tandis qu'au ras des vagues, autour des mâts, des vols de goélands, de mouettes, de guilous se poursuivaient, poussant des cris aigus. Camaret tout entier s'éveillait. Un nid d'oiseaux de mer, tapis au creux d'un énorme écueil battu des vents et des flots, un nid savamment placé dans une anfractuosité garantie des vents d'ouest et de sud-ouest, les plus redoutables en cet endroit, c'est le petit port de Camaret. Une surprise et un ravissement, ce pays à l'extrémité la plus inconnue de la Cornouaille, presque ignoré, tout près de Brest cependant, mais séparé de tout par la mer, par les roches, par les falaises, par les landes sauvages, par la difficulté des communications, un riant et original port de mer par le beau temps, un refuge tout voisin de la grosse houle par les mauvais temps de sud et d'ouest, pour les bâtiments n'osant affronter les violences du large ou les dangers du goulet. C'est dans un profond renfoncement de la côte, au-delà de la rade de Brest, entre la presqu'île de Roscanvel qui ferme et enclôt cette immense rade à l'ouest, et le bec du Grand Gouin, la dernière pointe avant celle du Toulinguet, que Camaret adosse à la montagne ses maisons, avec leurs façades orientées à l'est-nord-est. Au-dessus, dominant les toits, des champs de blé, des moulins à vent, des tapis inclinés de bruyères roses, d'ajoncs d'or, de landes vertes, qui montent, pour finir en solitude sablonneuse, en blocs de granit battus par les éternelles tempêtes, à mesure que le terrain se rapproche des géants escarpements à pic qui reçoivent le choc de l'Atlantique. Qui n'a pas entendu, par un jour de tempête, le long hurlement du vent sur cette côte, la rage des lames, le sanglot monstrueux de l'océan, ne sait rien des forces de la nature, ne connaît rien de la gigantesque et brutale beauté de la Bretagne, de cette fin de monde ouverte sur de béants abîmes. Avec la pointe du rat et la baie des trépassés, mais les dépassant peut-être en grandiose, il n'y a pas en France de côte plus merveilleusement sauvage, plus déchiquetée, plus impressionnante que celle qui forme l'extrémité de la presqu'île de Crozon, figurant sur la carte comme la patte palmée de quelques fabuleux oiseaux de mer antédiluviennes. Ainsi que des monstres de granit, elle projette, dans l'Atlantique, le cap de la chèvre, fermant la baie de Douarnenez au nord, comme les becs du rat et du vent la ferment au sud. La pointe de Penthyr, qu'on devrait appeler Penhyr, plus connue sous le nom de pointe des Pois, la pointe de Penhat ou du Toulinguet, position fortifiée, faisant face à la pointe Saint-Mathieu et commandant le goulet, la rade de Brest. Tout semble s'être réuni là pour séduire et effrayer, pour étonner, pour frapper l'imagination, pour jeter l'esprit au vertige de l'immensité et du mystère, pour faire comprendre ce que c'est que la fin d'un monde, le Finistère du monde ancien. Les plages de galets succèdent aux plages de sable fin. Les petites anses étroites, intimes, aux lieux de grève, les sables rouges aux sables blancs, les falaises de marne aux falaises granitiques, Les dunes au terrain plutonien, aux roches escarpées surplombant la mer de 80 ou 100 mètres, les pentes vertes et douces aux aiguilles de roc noir. C'est le chaos, c'est l'infini, c'est la poésie embaumée, c'est le rêve, c'est la légende, c'est la hurlante épouvante. De ci, de là, sonnaient quelques syllabes rocailleuses, dénonçant une remarque, une comparaison. L'émoi d'un moment mis dans la bouche et dans le cœur de quelques pêcheurs, philosophant naïvement sous le coup de cette tourmente, s'abattant dans ce petit coin âpre de la rue de Bretagne. « Il pleura pas aussi vrai qu'il vente grand largue !» affirma un pêcheur, la joue gonflée par sa chique, s'abritant les sourcils de sa main pour examiner le ciel qui fonçait de plus en plus. « Pas une mer de vent non plus, celle-là, mais de la lame de fond !» remarqua un solide camarade, dont le bras tendu montrait l'écume voletante au-dessus du large mur qui conduit à la chapelle et au fortin. Toute l'étendue visible entre le port et la côte de Léon était sombre, d'un vert noir, profond, rayé de distance en distance de franges blanches, et à la base du grand Gouin, une barre neigeuse roulait, s'éparpillant en panaches énormes, n'arrêtant pas un moment et trahissant la grossissante fureur du flot. Hommes et femmes, tous vivant de la pêche, leurs préoccupations, leurs soucis, c'était ce vent furieux qui labourait l'océan comme le soc monstrueux d'une invisible charrue, creusant le gouffre des vagues, se lançant sur le pays en bête sauvage et vorace, avec son lugubre hurlement de mort, sa grosse voix de tempête. Sur une des assises les plus élevées de l'espèce d'escalier naturel taillé dans le morceau de falaise rocheuse, à laquelle s'appuie la dernière maison de Camaret vers l'ouest, au-dessus de la partie du quai rejoignant la route du Toulinguet, des pêcheurs se tenaient debout, assis ou étendus, dominant ainsi la rade et pouvant voir, par-dessus la jetée, l'entrée du goulet, le phare du Petit Minou et la sombre côte de Léon. « Ça force encore !» dit l'un, l'œil au loin. « En 1803, j'ai vu 17 bâtiments à la fois à la côte, par un temps qui valait celui-ci. Ils sont tous allés à 13 rouzes, à la mort anglaise, dans ces damnées roches de la route de Kellerne. Il y en a eu du massacre. » C'était un ancien du pays, un homme de petite taille aux reins cambrés, aux épaules puissantes, des cheveux blancs bouclant dans le cou sous une casquette entrée jusqu'aux yeux. Il parlait, une main enfoncée dans la poche de sa jaquette de toile bleue, l'autre balançant une longue vue dont il venait de se servir pour surveiller la tenue des bâtiments ancrés aux environs du phare, et ses viviers à homards placés entre la jetée et la dangereuse falaise. Retraité après des années de service, ancien garde de phare et de sémaphore, il faisait le commerce du poisson et passait pour l'un des plus riches mareyeurs de Camaret. « Oh, ce père Balanec, c'est comme maître Guivarc, il a tout vu !» ricana amicalement une face rouge. « Une bonne boule de loustique aux yeux malins. » Un bout d'homme bien proportionné, campé sur des jambes nerveuses, le torse carré, les bras à moitié nus, une mine sympathique et plaisante. « Toi, Maradour, faut croire que tu t'entends mieux maintenant à saigner tes veaux ou tes moutons qu'à causer chose de la mer. » Pas moins que tu devrais t'en souvenir, car tu faisais déjà un fier galopin quand c'est arrivé, même que le pays était plein de naufragés, à preuve qu'il y en avait jusque chez ton père, ainsi. Demande plutôt à tante Rosalie. Et tonton Corentin, qu'est-ce qu'il en pense ? Interrogea l'interpellé, frappant sur l'épaule de son plus proche voisin. Celui-ci secoua la tête. Je pense qu'il se pourrait bien qu'il y ait bientôt du brave monde dans l'embarras. Les conversations tombèrent, tous les regards se fixant de nouveau sur la mer. Et Lagadec, un maigre entre deux âges, la cervelle embuée de superstition, protesta sourdement. « Il a tort de parler comme ça, le patron. Les malheurs arrivent assez tôt tout seuls sans qu'on les appelle par de mauvais mots. » D'autres songeaient aux avaries possibles dans les barques follement secouées et dont la membrure craquait parfois, dominant le tapage de l'ouragan. Il pensait à la pêche rendue impossible, peut-être, pour plusieurs jours, à la misère des temps actuels, au chômage forcé, et à tous ceux qui semblaient s'attaquer avec une si désolante persistance à leur unique gagne-pain, la sardine. Cependant, une tendresse les réunissait là, autour de ce colosse, qu'on venait d'appeler d'un nom connu de toute la côte, d'un nom fameux déjà dans les annales du sauvetage, d'un nom respecté et béni, Tonton Corentin. Tout jeune encore, il n'avait pas plus de 33 ans, celui qui portait ce surnom d'ancêtre, cette adjonctive épithète de tonton, qui veut dire oncle presque partout en Bretagne, et qui s'applique familièrement à Camaret à tous les vieillards, comme celle de tante à toutes les vieilles femmes. D'une stature herculéenne, près de 6 pieds de haut, les bras comme des poutres chevillées dans des épaules d'une largeur et d'une épaisseur formidables, les pectoraux bombés en relief sous le tricot de laine, les reins solidement assis sur des jambes pareilles à des piliers, les mains à broyer les cailloux, il semblait quelqu'un de ces colosses de granit que la fantaisie des vagues, l'usure des siècles, ont sculpté çà et là en pleine falaise, le long de ces terribles côtes de Bretagne. Avec cela une beauté mâle, une physionomie d'une douceur extrême, décelée par l'expression de bonté naïve, presque timide, de ses yeux bleus, de ce clair bleu particulier aux pêcheurs bretons et que troublent les orages du cœur et de l'âme comme la tempête trouble la transparence de l'océan sur les grèves de sable. De courts cheveux châtains, presque blonds, roulaient leurs anneaux serrés sur sa tête forte, proportionnés à sa haute taille, et bouclaient autour du béret bleu, laissant voir un cou brun, musculeux, un peu court entre les larges omoplates. Il portait toute la barbe, courte, touffue, quasi crépue, la moustache laissant à découvert les lèvres rouges et les dents blanches, qui se montraient dans le rire. Celui-là est du pays. Il est né à Camaret, comme ses parents y sont nés. Les Garec, c'est connu, sont une des vieilles familles de l'endroit. De 15 frères et sœurs qu'il a eus, il est le seul qui soit resté fidèle au petit port. Le seul qui y fasse comme les camarades la pêche de la sardine. De ses frères, les uns sont à l'étranger, les autres sur mer, dans le service ou le cabotage. Il y en a de morts. Ses sœurs sont mariées aux environs, à Audierne, à Pont-l'Abbé, au Guilvinec, à Lesnevin, un peu partout. Enfant, Jean-Vincent Corentin Garec a barboté dans les flaques vaseuses que la marée basse laisse à découvert. Il a joué le long du quai sans garde-fou, au risque de se tuer ou de se noyer 100 fois. Il a harponné les petites plies au trident ou à la fourchette. Il a conduit les canots à la godille. Il a pêché la chevrette. Il a couru les plages et les falaises. Mousse, il a été de jour, de nuit, à la pêche avec son père, avec ses oncles, s'endurcissant aux rudes et périlleux métiers, apprenant à nager, à manœuvrer les voiles. Puis il n'a plus quitté la mer. Il a servi sur elle comme marin de l'État. Il a lutté contre elle. Il l'aime passionnément, farouchement, exclusivement, et lui revient toujours. Elle lui a pris son père, ses oncles, des frères, des parents, des amis. Elle lui a, à plusieurs reprises, habillé de noir tous les siens. Elle lui a percé le cœur, torturé le corps, broyé l'âme. Il l'a injuriée, traitée de chienne enragée, de maudite, de sans-cœur. Il l'a combattue de ses rudes poings. Il s'est empoigné corps à corps avec elle. Et il l'adore comme au premier jour, toujours prêt quand même à tout quitter quand elle l'appelle de sa voix caressante et grondeuse. C'est la vieille amante, plus puissante que tout. Elle d'abord, et puis adieu va. Malgré sa jeunesse, à cause de son adresse, de son expérience, surtout de sa force, cette force qui est, comme aux anciens temps, pour les simples qui l'entourent, le vrai signe de la puissance et du commandement, on l'a choisi comme patron du canot de sauvetage. Et déjà ses exploits, ses actes de dévouement ne se comptent plus. Son équipage est dans sa main, dévoué, souple, docile à le suivre partout, à toute heure, tant la confiance en lui est complète, absolue. Qu'il y ait une contestation, une bataille, un arbitrage, un péril, un malheur, c'est à lui que l'on accourt comme à la suprême ressource, au bon conseil, au sauveteur. C'est aussi en raison de cette sagesse précoce, de son jugement toujours sûr, de même que parce qu'il est le meilleur, le plus fin pêcheur de Camaret, qu'on lui a, dès l'enfance, entre gamins, donné pour la première fois ce surnom de tonton Corentin, qui jure encore à présent avec sa figure jeune, sa barbe sans fil d'argent, sa vigueur. Il est en quelque sorte devenu la personnification du pêcheur breton dans sa perfection, dans sa rude franchise, dans sa bonté, dans son cœur hospitalier, désintéressé et simple, dans sa fierté native, enfin dans son mépris complet de la mort, dans son dévouement. Jusqu'à ce jour, en dehors de la mer et de sa barque la Corentine, il n'a eu aucune passion violente au fond du cœur. Il a vécu seul et libre, toujours garçon, très doux avec les enfants, aimant la société des bons camarades, des joyeux amis, mais laissant autour de lui rire et coqueter les filles attirées par sa fière mine, sans prêter attention à leurs jeux de coquetterie, à leurs avances. Dans Camaret, on disait en parlant de tonton Corentin, « Oh, celui-là, son amoureuse, c'est Corentine, sa barque !» Puis, peu à peu, une sorte de révolution parut s'être faite dans son cœur. Il avait semblé, parmi les jeunes camarétoises, en remarquer une. D'abord, cela fut très mystérieux, très enveloppé de choses déconcertantes. On le vit s'occuper sans cesse d'Yvonne Guivarc, de la pauvre innocente. Comme il adorait les enfants, les faibles, qu'il s'appliquait à protéger ceux qui souffraient, ceux qui ne pouvaient se défendre, on crut à une sorte d'affection paternelle, bien dans son caractère. On ne tarda pas à remarquer que la folie n'était qu'un prétexte. Il fut bientôt clair pour tous que Jean-Vincent Corentin aimait Marianic, la fille du maître de port, la cousine d'Yvonne. Sa subite et visible tendresse pour la malheureuse affligée masquait mal sa réelle passion pour l'autre. Comme il était très aimé de tous, on ne lui garda pas rancune du mystère qu'il mettait dans cette soudaine transformation. On vit bien là une nouvelle preuve de la timidité naturelle de ce brave et hardi compagnon. Il n'hésitait pas une seconde à risquer sa vie, mais il n'eut jamais osé adresser la parole à la jeune fille qui, pour la première fois, remuait délicieusement son cœur, ce cœur qu'il avait pu croire de pierre, comme ses muscles, et qui, tout à coup, s'éveillait au moment où il s'y attendait le moins. Maître Guivarc, mis au courant du grand événement par les allusions risquées devant lui, par les racontars, se disait qu'il n'hésiterait pas à ouvrir ses bras à ce gendre le jour où il se déclarerait ouvertement. Il trouvait que ce serait pour sa Marianic le mari qu'il lui eût choisi entre tous, mais il n'avait pas encore osé interroger la jeune fille, ne voulant rien brusquer. Corentin vit dans sa secrète passion comme dans un beau rêve. Il s'est endormi la veille, le cœur en joie, l'âme embaumée de cette fleur d'amour subitement éclose en lui, car il a rencontré Marianic sur le quai et leurs yeux ont échangé un regard semblable à un aveu, un regard qui lui a paru aller puiser dans le cœur de la jeune fille le secret qu'il voudrait y trouver. Ce matin, il s'est réveillé radieux, croyant vivre d'une vie nouvelle. Un grondement sourd, un souffle bien connu l'ont fait bondir de son lit, courir à la fenêtre. Il a reconnu la voix terrible de la mère, le rugissement de défi de sa vieille ennemie, si longtemps adorée exclusivement. En quelques minutes, il s'est trouvé habillé, prêt à la lutte, tout au devoir, ne songeant plus aux rêves d'or, aux joies amoureuses. Autour de lui, les bons compagnons se sont groupés, inquiets, tout à coup sombres, mais résolu, sans peur, levant la tête devant la menace qui vient du large, des profondeurs ténébreuses. Balanec, s'étant machinalement retourné, regardait le sémaphore de Penhat, au mât duquel se balançait le cône, la pointe en bas, indiquant un coup de vent du sud. Brusquement, il poussa une exclamation, gronda. « Oh, diable ! Du nouveau !» La Gadec eut un murmure. « Ça devait arriver. » Tonton Corentin se leva, jeta un coup d'œil aux signaux qui manœuvraient et fit, très calme, « C'est bon, on y va. » Au même instant arrivait le commissaire de la marine, venant donner ordre de mettre le canot de sauvetage à la mer. Durant quelques minutes, sur le quai, claquèrent éperdument les sabots des pêcheurs, rapidement prévenus, et un rauque mugissement tonna du côté du Corréjou, l'appel funèbre de la trompe appelant l'équipage du canot de sauvetage et la population. Tout Camaret fut debout. Les femmes, vaillantes malgré l'involontaire affolement qui les secouait à la pensée du danger prochain pour ceux qu'elles aimaient. Les enfants criant et se bousculant dans l'émoi grandissant, tandis que les conversations roulaient, heurtées, fiévreuses. « Navire en perdition ! Où cela m'a doué ? Jésus-Marie, nos pauvres hommes ! Que Sainte-Anne les protège !» La plainte de mort traînait, emplissant le port de son impressionnant rauquement, de sa voix terrible sonnant le malheur, conviant les pêcheurs à la lutte effrayante avec l'océan. Pas une hésitation, pas un frisson de peur dans ces cœurs courageux et simples. Hommes, femmes, enfants, une fois les portes de la maison au toit rouge ouvertes, s'étaient attelés aux câbles et halaient le bateau reposant sur le lourd chariot, aidant à l'amener jusqu'à la mer. Depuis la création de cette station de sauvetage, en 1806, les services rendus par ce canot, les doigts Rolandre, ne se comptent plus. Et les Camarétois considéraient avec fierté la médaille de bronze fixée à son avant, décernée pour un sauvetage de 2 jours en décembre 1874. On le lança à l'eau, et les hommes de l'équipage, ceinturés de liège, couverts du suroi et de leur ciré, empoignaient les avirons, tandis que Tonton Corentin, debout à l'arrière, le porte-voix d'une main, saisissait la barre de l'autre. Le bâtiment en détresse se trouvait par le travers des pierres noires, à environ 10 000 dans l'ouest, dans les parages de la Basse-Large, l'un des dangereux écueils situés entre l'Iroise et le chenal du Four. C'était tout là-bas, en plein océan, à la mort presque certaine. Tonton Corentin, sans un tressaillement, très calme, regarda si tous ses hommes étaient prêts, fit un grand signe de croix et, ce geste répété par l'équipage, commanda « Démarrez !» Puis « Avant partout !» Le canot plongea, glissa à travers les eaux relativement paisibles du port et, rapidement, contournant la cale qui avoisine le fortin, la cale des basses-mers, gagna la jetée. Là se tenait une partie de la population, entassée entre les parapets et les plus près du phare, Guivarc et Marianic. Au passage, Corentin les reconnut, les salua de son bras libre, et montrant la mer blanche d'écume qui déferlait rageusement, piqua droit dedans, criant « Adieu va !»